is a pretty sight. She nice to look at, and that is right. A lovely flower in the dark of night. Underneath that bed of roses, there that sneaky thorn reposes. How she look in morning light. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pampant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, patata pour trop de cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Bonjour à vous tous et à vous toutes, fidèles auditeurs et auditrices de RQC. RQC est la dernière radio libre de la région de Mouron. Il est 9h en ce mardi 31 octobre 2017 et le week-end dernier nous sommes enfin passés à l'heure d'hiver après 7 mois d'heure d'été et jusqu'à fin mars nous pourrons donc nous lever une heure plus tard, ce qui est appréciable quand on travaille et qu'on doit se lever de bonne heure. Ce qui n'est pas mon cas, sauf le mardi, mais ce qui est peut-être le vôtre. Hein. Je vous rappelle que, comme chaque mardi à pareille heure, c'est votre ami Michel qui vous présente son émission qui s'appelle Patchwork, une émission durant laquelle vous entendrez des chansons datant donc aussi bien des années 50 ou même d'avant, ainsi que des chansons des années 60, 70, 80, 90 et 2000. Vous voyez que l'émission ne s'appelle pas Patchwork pour rien. Mais assez bavardé comme ça, on va débuter sans plus tarder cette sixième émission de la saison 2017-2018 avec une des chansons les plus connues de Serge Gainsbourg, une chanson qu'il avait enregistrée en septembre 1958 et qui racontait le sort peu enviable d'un travailleur du métro parisien qui exerçait une profession aujourd'hui disparue depuis longtemps, celle du poinçonneur de tickets de métro.

Les Who en 69, on passe maintenant à Charles Trenet en 71. Vous voyez que dans Patchwork, on aborde vraiment tous les genres musicaux. Hein. Trenet, qui nous a quittés à 87 ans en 2001, aurait eu 104 ans en 2017. Il est l'auteur de près de 1000 chansons, dont certaines demeurent des succès populaires intemporels, comme La Mer, 12 France et bien d'autres encore. Hein. À 57 ans, en 71 donc, hein, il renoue avec le succès en pleine période yéyé, avec cette jolie chanson intitulée Fidèle, Fidèle, une chanson que je vous propose d'écouter maintenant, là, tout de suite, sur RQC. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un Castillet tout neuf, un canigou, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest, ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Quand villes ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, s'étaient donnés si jeunes sur un vieux banc. J'étais parti dans la nuit des vacances, plus léger qu'un elfe au petit jour. Mais à présent, quand j'y pense, je pleure toujours mon premier amour. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret? Quand on est seul, debout sur la passerelle, devant tel ou tel monde qui disparaît, quand on regarde tous les bateaux qui sombrent en partant les choses qu'on espérait, quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres ombres à jamais. Gilles Kaplan a déjà 52 ans, son vrai nom c'est Valentine Guylaine, mais alors qu'elle est étudiante dans les années 80, elle fait une rencontre déterminante, celle de G. Alansky, producteur et compositeur de chansons de son état. Alansky la prend aussitôt sous son aile et la rebaptise Valentine en Gilles Kaplan, son nom définitif d'artiste. Gilles Kaplan séduit très vite un large public avec sa diction et son timbre de voix si singulier. Son look un peu androgyne contribue aussi un peu à son succès. En 89, alors qu'elle n'a que 24 ans, elle a son premier grand tube, après quelques chansons ayant connu seulement un succès d'estime. Cette chanson, c'est le fameux « Tous ceux qui nous séparent », une chanson que je vous propose d'écouter là, tout de suite sur RQC. Elle est bien sûr signée G. Alansky. On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit, on s'y brûle plus les doigts. Et devant tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare, au nom de tout ce qui nous sépare, sans l'ombre d'un espoir. Oh, notre passé, c'est comme de la poussière qu'on souffle sur un... que j'avais très bien le pourquoi, le comment, même avant que tu partes. Alors c'est comme finir 7 jours en prison. Ce qui vous fait tenir, c'est l'absence de raison et la distance qui sépare les héros de notre histoire. Kaplan en 1989, on passe maintenant aux années 90 avec L'Âme. L'Âme, Lamia de son vrai prénom, est d'origine tunisienne. Après une enfance difficile due en partie à la séparation de ses parents, elle est placée en foyer où elle fait des 400 coups hein, et elle s'intéresse très vite à la chanson. Mais ce n'est qu'à l'âge de 26 ans qu'elle connaît son véritable premier succès avec cette reprise d'une chanson de Michel Berger intitulée « Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux ». Une version qui date de 1998. Après l'année 2006, la carrière de L'Âme s'essouffle et depuis elle essaye vainement de revenir au premier plan, mais elle a déjà 46 ans maintenant. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux. I wanna sing for those. Alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. la radio à gogo. La jeune danoise Agnès Obel est née en 1980. Depuis pas mal d'années déjà, elle s'est fixée en Allemagne, à Berlin. À 30 ans, en 2010, elle enregistre son tout premier album, Philharmonix, qui remporte un succès immédiat. Et depuis, elle sort un album tous les 3 ans, en bonne artisane de la chanson qu'elle est. Je crois qu'il faut dire artisane maintenant. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. En 2013, elle sortait l'album Aventine. Et en 2016, c'était Citizen of Glass. Aujourd'hui, c'est le morceau phare du premier album d'Agnès Obel, Philharmonix, que je vous propose d'écouter. La chanson en question a pour titre Riverside. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Paul Anka, qui est célèbre depuis 1957, n'a pourtant aujourd'hui que 76 ans. Il faut dire qu'il a connu le succès à 16 ans avec sa célèbre Diana, une chanson composée pour son ancienne babysitter qui se nommait Diana Ayoub. Ayoub, parce que Paul Anka, bien que canado-américain, puisqu'il est né à Ottawa et d'origine libanaise. Paul Anka a vendu 9 millions d'exemplaires de sa chanson Diana. Il a écrit de nombreux tubes par la suite et il est mondialement connu pour avoir écrit les superbes paroles anglaises de « Comme d'habitude » de Claude François pour Frank Sinatra. C'est devenu « My Way » en anglais et sa version a été par la suite interprétée par de très nombreux chanteurs dont les Sex Pistols, c'est vous dire. Aujourd'hui, c'est donc Diana que nous allons écouter par les Sex Pistols, la version originale, une chanson qui a 60 ans d'âge, mais qui ont les bons millésimes, vieillit très bien, je trouve. Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, a aujourd'hui 72 ans, mais il continue à sortir de superbes albums, comme son dernier datant d'avril 2016 et intitulé « Les vestiges du chaos ». Christophe connaît le succès très jeune, en 65, avec son premier album qui incluait le célèbre « Aline ». En 67, il a une brève liaison avec la chanteuse Michèle Thor, avec laquelle il a un fils prénommé Romain, Romain qui a aujourd'hui 50 ans déjà. Christophe, qui était un passionné d'automobile, a perdu tous les points de son permis de conduire en 2001 pour les excès de vitesse répétés et il ne l'a jamais repassé. Curieux personnage, non ? Assez bizarre. Hein. Aujourd'hui, c'est un extrait moins connu de son tout premier disque que nous allons écouter. La chanson en question s'intitule « Excusez-moi, monsieur le professeur » et on sent que c'est du vécu. Hein. Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur tirer dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur taper dessus. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne connais pas mes leçons par cœur.

donc Laurent Rossi en 1974. Et on passe maintenant aux années 80. L'auteur-compositeur d'après Yves Simon a aujourd'hui 73 ans. C'est aussi un écrivain reconnu pour son immense talent. Hein. Il connaît le succès en tant que chanteur en 72 et il a déjà alors 28 ans. Yves Simon vit toujours donc à Paris, place Dauphine, où il était le voisin de palier donc d'un célèbre couple, celui que constituait Yves Montand et Simone Signoret, dont il était devenu l'ami. Aujourd'hui, c'est un succès de 84 que je vous propose d'écouter. La chanson a pour titre Barcelone, c'est bien sûr Yves Simon qui l'a écrite et composée. Il s'en passe des choses à Barcelone. Depuis quelque temps, tiens, il paraît que le président de Catalogne, Carles Puigdemont, s'est réfugié en Belgique. C'était hier, je crois. C'est pas une blague. Hein. Il est même hébergé, paraît-il, par des nationalistes flamands. C'est tout à fait dans la logique des choses. Hein. Madonna est née hein, il y a 59 ans de cela dans le Michigan. Son vrai nom c'est Louise Ciccone. Elle est d'origine italienne par son père bien sûr. En 35 ans de carrière, elle a toujours veillé à être au premier plan, renouvelant sans cesse son image, utilisant des clips qui font souvent scandale hein, dans les années 80, des clips vidéo. dans ses concerts et dans ses interviews, elle s'exprime souvent d'une manière provocante sur la religion, la sexualité et même la politique de toutes ses forces. Ainsi, elle a combattu Donald Trump vraiment d'une manière très virulente récemment. C'est tout à son honneur. Madonna n'a tourné que deux films intéressants au cinéma. Le premier, c'était donc Recherche Suzanne désespérément avec Rosanna Arquette en 88. Et le deuxième, c'était le célèbre Evita d'Alan Parker. Evita qui racontait la vie d'Eva Perón, la femme du président argentin. Ce film date de 96. Madonna avait déjà 38 ans à l'époque, mais c'est de la vie de tous, sa meilleure prestation cinématographique. Hein. On écoute un extrait de la bande sonore d'Evita. La chanson en question, c'est « Don't cry for me, Argentina ». Et ce sera la petite séquence cinéma cette semaine. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. C'était donc Madonna dans un extrait d'Evita d'Alan Parker en 1996. Émilie Simon est née en juillet 78 à Montpellier, où elle a passé toute sa jeunesse. Son père était ingénieur du son et c'est tout naturellement qu'elle s'oriente vers des études musicales. Elle se fait très vite un nom dans la musique dite électronique. Mais il ne faut pas surtout cantonner Émilie Simon à ce genre musical très particulier, car ses productions sont vraiment très variées. Comme elle le montre dans les quatre albums qu'elle a déjà sortis. Écoutez plutôt cette chanson extraite de son premier album, datant de 2003. Un album qui a obtenu une victoire de la musique très méritée en 2004. La chanson en question a pour titre Lise, et je la dédie à toutes les Lises qui pourraient être à l'écoute. Je vous laisse pour 3 minutes, même 4 minutes presque, dans l'univers enchanté d'Émilie Simon. Thank you. choisissez. Il y en a qui ont le cœur si. Faut que je plonge dans la vie. Tes sensations. Dans une fuite où je sens, où je plonge pour te jouer. Ta musique. Ta génération. Ta génération. L'année prochaine, ça ferait déjà 55 ans qu'Édith Piaf est décédée à 47 ans, le même jour que Jean Cocteau en 63, usé par de nombreux excès en tout genre. Édith Piaf avait aussi eu de nombreuses aventures amoureuses. Parmi ses aventures, la plus célèbre demeure son idylle avec le boxeur Marcel Cerdan, qu'elle rencontra en 1948 à New York, où elle était en tournée. En 49, donc un mois avant la mort de Cerdan, dans le crash du vol de Paris-New York d'Air France, dans le crash du vol Paris-New York d'Air France, je dis bien. Elle chante pour la première fois au cabaret, un mois avant sa mort, une chanson prénommée, donc, une chanson qui s'appelle Hymne à l'amour, une chanson prémonitoire dont elle a écrit elle-même les paroles pour son Marcel adoré. Cette chanson, c'est donc l'hymne à l'amour qu'elle enregistrera sur disque après la mort de Cerdan en 50, laissant place à la légende comme quoi la chanson aurait été écrite par Piaf dans le désespoir qui a suivi la disparition brutale de son amant. Mais non, la chanson date d'avant le crash, avant le crash de l'avion. La musique de cette chanson est signée de la compositrice attitrée d'Édith Piaf, Marguerite Monod. Marguerite Monod qu'elle chassera 10 ans plus tard, en 59, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, pour la remplacer par Charles Dumont. La compositrice vivra très mal son éviction et Marguerite Monod cessera mourir en 51, à 58 ans seulement, en refusant de se faire opérer de l'appendicite. Mais assez papoté, on écoute donc l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Ne m'abandonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. change maintenant complètement le genre musical, en repassant dans les années 60, les Golden Sixties avec les Byrds, un groupe américain originaire de Los Angeles et qui s'est formé en 64 avec des musiciens aussi prestigieux que Roger McGuinn ou David Crosby. Après de nombreux changements de musiciens, le groupe a fini par se dissoudre 10 ans plus tard, en 73. Seul Roger McGuinn restait un membre permanent de The Byrds. Les Byrds ont connu un succès commercial que pendant 2 années, en 65 et en 66, à leur début. Ensuite, ils sont tournés vers un country folk, un country rock plutôt, beaucoup plus confidentiel, dirons-nous. Aujourd'hui, c'est le plus grand succès des Byrds que nous allons écouter. C'est leur version du célèbre Mr. Tambourine Man, datant de 65 et créé un an plus tôt par Bob Dylan, bien sûr. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Jingle, jangle, morning, I'll come following you. Gérard Palapra est mort il y a tout juste un mois, à 67 ans, d'un cancer de la gorge, tout comme Michel Delpech, il y a bientôt 2 ans. Gérard Palapra avait été élève du célèbre petit conservatoire de la chanson de Mireille dans les années 60, puis il avait travaillé à l'ORTF et ensuite comme figurant au théâtre. Il jouera alors dans la comédie musicale Hair, où Lucien Maurice le repère. Comme il était directeur artistique d'Europe 1 et patron des disques AZ, Lucien Maurice fait enregistrer un 45 tours à Gérard Palapra. Avec Fais-moi un signe, ce sera le succès immédiat, suivi de Pour la fin du monde. Ensuite, Gérard Palapra deviendra plus ou moins mystique, en allant jusqu'à consulter un célèbre gourou en Inde, mais le succès ne sera plus jamais au rendez-vous. On écoute donc Gérard Palapra nous chanter Fais-moi un signe en 71. Je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent. Alors fais-moi un signe, apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main. Alors fais-moi un signe, montre-moi le chemin. Dis-moi seulement, lève-toi, et j'irai où tu me diras, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe. fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Devant ce mur blanc de chaux, de tes yeux azur indigo, allons, fais-moi un signe. Fais couler un ruisseau. Écris ton nom noir sur blanc de ce bout de charbon brûlant. Alors fais-moi un signe. Je suis prêt maintenant. Ça restera entre nous, mais je n'aurai plus jamais froid les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Que tu fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Ramakri. Fais-moi un signe. Que tu sois un signe. Que tu sois. Donc, à l'instant, le regretté Gérard Palapra, donc en 71, c'est ça. Donc, un Gérard en chasse un autre, après le regretté Gérard Palapra en 71. Donc, on passe maintenant à Gérard Lenormand en 85. Gérard Lenormand est né il y a 72 ans de cela, chez des religieuses qui accueillaient des femmes en difficulté. Sa mère n'avait que 16 ans et il est né de père inconnu. 35 ans plus tard, Gérard Lenormand apprendra qu'il est le fils d'un soldat allemand, Eric, qui était violoniste et chef d'orchestre dans le civil. Il ne rencontrera jamais son père. Gérard Lenormand fera un livre d'ailleurs. Dans les années 70, sa carrière est au zénith et les tubes se succèdent, mais l'arrivée du disco dans les années 80 mettra un sérieux coup de frein à sa notoriété. Il tentera un retour en 85 avec la chanson qui va suivre et qui s'intitule « Fier et Nippon ». Mais le public ne le suit pas dans ce domaine. Depuis, il se contente de chanter de ses nombreux succès des années 70 dans les tournées style « Achetant la tête de bois ». Voici donc ce fameux « Fier et Nippon » datant de 85, rien que pour vous, sur RQC. Légère, légère. pose dans mes vieux pyjamas. Je retrouve une fille nouvelle. Oui, je retrouve une fille nouvelle. Nouvelle. Nouvelle. Fière et nippone. Mais personne, oh non, personne ne me fait cet effet-là. Elle m'impressionne, me fascine, me façonne. Je suis fou du style qu'elle a. Non, nippone. Personne, personne ne me fait cet effet. Placido Domingo est un célèbre ténor espagnol, il a aujourd'hui 76 ans. Domingo pouvait chanter en 5 langues, dont le russe. Il a joué plus de 150 rôles différents sur scène. C'est aussi un chef d'orchestre et un administrateur d'opéra reconnu. Dans les années 90, il joue le rôle de Don Quixote et dans la comédie musicale américaine Man of La Mancha, l'homme de la Mancha, que Jacques Brel avait adapté en français dans les années 70, au début des années 70, avec Dario Moreno dans le rôle de Sancho Panza. Dario Moreno qui mourra quasiment sur scène d'une crise cardiaque. Hein. Voici donc Impossible Dream, un extrait de Man of La Mancha, donc enregistré par Placido Domingo en 96. It is the mission of each tuna. His duty, nay, his privilege. To dream, the impossible dream. To fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love your chased from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know, if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that when men, scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage, to reach the unreachable star. Carla Bruni aura 50 ans en décembre prochain. Sa carrière de mannequin a duré 10 ans, de 87 à 97. Et puis elle s'est mise à écrire des chansons, notamment pour Julien Clerc, dont elle est l'amie. En tout cas, en tout bien tout honneur, hein. Elle qui était la maîtresse de nombreuses vedettes, dont Mick Jagger, Louis Bertignac et j'en passe. Hein. C'est Louis Bertignac qui fera les arrangements de son premier album, sorti en 2002 et intitulé « Quelqu'un m'a dit ». Un album qui a remporté un succès extraordinaire, un succès que n'ont pas connu les trois albums qui ont suivi. Il faut dire que son mariage avec Nicolas Sarkozy en 2008 l'a obligé à mettre sa carrière entre parenthèses, sa carrière de chanteur entre parenthèses, jusqu'en 2012, puisqu'elle était devenue ce qu'on appelle la première dame de France. Son cinquième album, French Touch, composé de reprises de standards anglo-saxons, vient de sortir. On verra s'il y aura le succès international qu'elle espère. Mais aujourd'hui, c'est un extrait de son meilleur album, je trouve, le premier, celui de 2002, qu'on va écouter. La chanson que j'ai choisie pour vous, c'est « Le ciel dans une chambre », une chanson italienne qu'elle a traduite en partie en français, avec tout le talent qu'on lui connaît. Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi, abandonnés, tout comme si il n'y avait plus rien. Sous l'immensité. calmer. Mais pour toi et pour moi, où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Et donc Carla Bruni à l'instant, Carla Bruni qui a un fan assez inattendu en la personne de Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon qui est un inconditionnel de la chanteuse, paraît-il. Étonnant, non? Et à 10h23, sur l'horloge du studio de RQC, il est temps pour moi de vous proposer la petite séquence classique. Aujourd'hui, c'est au XVIIIe siècle, nous allons faire un petit tour, puisque nous allons écouter l'ouverture des Noces de Figaro, des Noces de Figaro de Mozart, un opéra datant de 1786, soit 5 ans avant la mort prématurée du compositeur, survenu alors qu'il n'avait que 35 ans. Et c'est le Wiener Philharmoniker, sous la direction d'Herbert von Karajan, excusez du peu, qui va nous interpréter cette ouverture qui dure même pas 4 minutes. Thank you. Eh oui, il y a eu un petit blanc volontaire, car on dit que le silence qui suit la musique de Mozart est encore de Mozart. Et sans transition, on en revient aux années 60 avec les Supremes, ce trio de Detroit City, dont la vedette incontestable était bien sûr Diana Ross, et qui a été active de 59 à 70, toujours sous le label Tamla Motown. Ensuite, Diana Ross, qui a maintenant 73 ans, a poursuivi une extraordinaire carrière en solo. Et c'est en juin 64 qu'est sorti le premier album à succès des Supremes. Dans cet album, on pouvait trouver deux méga-tubes, Where Did Our Love Go, et aussi Baby Love, que je vous propose d'écouter maintenant. Baby Love, qui est adapté par la suite en français par la pulpeuse Annie Philippe. Tout comme Diana Ross, que nous venons d'entendre avec les Supremes, Nicoletta, Nicole Grisoli de son vrai nom, a elle aussi 73 ans. Elle a été élevée par sa grand-mère, qui aimait beaucoup la musique et à qui il dédiera plus tard la célèbre chanson « Mami Blue ». Nicoletta est repérée en 66 par la firme Barclay, qui lui fait enregistrer une reprise remarquée de « L'homme à la moto », une chanson d'Edith Piaf datant de la fin des années 50. Le grand succès vient ensuite pour la jeune chanteuse avec La Musique en 67 et aussi Il est mort le soleil la même année. Une chanson que reprendra Ray Charles sous le titre The Sun Died. Nicoletta aura du succès jusqu'en 75. Ensuite, elle reviendra à ses premières amours, le gospel. Quand elle était adolescente, elle faisait partie d'une chorale de gospel, donc quand elle vivait encore dans les Alpes chez sa mémé. Aujourd'hui, on écoute un grand succès de l'année 73, son grand succès de l'année 73, une adaptation française d'une chanson du brésilien Jorge Ben intitulée Fio Maravilha. Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut aussi faire de la musique et refaire l'Amérique. Fio Maravilha, ton père c'était le seul. la terre, c'est la conspiration. Pour faire à deux un pays qui soit l'enfant des chansons. De ses cheveux, on a fait trois cordes de guitare aux harmonies un peu bizarres. Fille maravillée. Sombre que celle des marimbas. C'est parce que le soleil s'est approché de toi. Bien sûr, tu n'apprends rien à l'école, car ton école, c'est l'école des sambas. Vio Mara. Donc en 1980, Angelo Brandoardi a déjà triomphé l'année précédente avec sa demoiselle, La Pulce d'Acqua, italien, adapté par lui, pour lui en français par Étienne Rodagil. Il sort alors en italien d'abord, bien sûr, son album La Luna, qui sera lui aussi adapté en français par Rodagil plus tard. De cet album italien, j'ai choisi de vous faire écouter une chanson intitulée Gulliver. Gulliver, ça me rappelle un sketch des Frères Ennemis. L'un disait à l'autre « Allô, Gulliver, ici Lilliput ». Et l'autre répondait tout simplement « Bonjour madame, ami de la poésie, bonjour ». En attendant, voici Gulliver en version espagnole, en version originale italienne, pardon, par Angelo Brandoardi. Gulliver sans Lilliput, hein, et qui a aujourd'hui, Angelo Brandoardi a aujourd'hui 67 ans, enfin, en 2017. Strana meraviglia il mare ci portò, venite tutti, è Gulliver il grande che il mare ci portò, addormentato davanti a noi Gulliver il grande, è una nera montagna che ci toglie il sole, è Gulliver il grande che il mare ci portò. Così curioso davanti a noi, l'uomo montagna ci guarda già, venite tutti ad ammirare la meraviglia vista mare. Gli uomini piccoli pensano già che la sua forza vi aiuterà. Gulliver il grande si chiede già in quale altro mare naufragherà. strana meraviglia il mare ci portò. Venite tutti ai Gulliver, il nano che il mare ci portò. Che freddo trema davanti a noi, Gulliver il nano. Ma i suoi occhi cercano già i nostri volti. E Gulliver il nano che il mare ci portò. Venite tutti ad ammirare la meraviglia con cui giocare, così indifeso davanti a noi, come un bambino a cui insegnare. E mentre invece dentro di sé, del nostro aspetto lui ride già, Gulliver il nano sognando sta un altro mare per naufragare. C'était la chanteuse du groupe Niagara. Elle est née à Rennes, c'est une fille de bonne famille puisque son père était notaire. À 19 ans, en 1982, elle rencontre Daniel Chenvez et fonde bientôt avec lui le duo Niagara. Niagara en référence au célèbre film d'Henry Hathaway dont la vedette était Marilyn Monroe. D'ailleurs, Moreno, c'est l'anagramme de Monroe. Hein. Le vrai nom de la chanteuse de Niagara, c'est Muriel Laporte, c'est moins bien. Niagara dure jusqu'en 1992. En 1994, Muriel Moreno entame une carrière en solo qui restera très marginale, étant donné donc, notamment l'extrême fragilité psychologique de la chanteuse. En 1996, Muriel Moreno sort un album intitulé Toute seule, un album mélancolique et intimiste dont j'ai extrait pour vous cette chanson, dont le titre est Près du lac vert. Je vous laisse pour 3 minutes 30 en compagnie de Muriel Moreno. Soyez sages. Et après Muriel Moreno, en 1996, on passe maintenant aux années 2000 avec Guy Béard. Ça vous paraît bizarre, les années 2000 avec Guy Béard, mais il faut savoir que Guy Béard, en 2010, avait sorti ce qui devait être son tout dernier album, un album intitulé « Le meilleur des choses », composé de 12 chansons originales, où Béard prouvait qu'il avait encore de la ressource. 5 ans avant sa mort, survenue il y a tout juste 2 ans, en 2015, à 85 ans. La chanson que j'ai extraite pour vous de cet album « Le meilleur des choses » a pour titre « Les amours tranquilles », des amours qui ne sont pas si tranquilles que ça. Écoutez plutôt. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien. Un rire d'enfant, un rêve insouciant, sans rien demander, il nous soutient. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien. Le profond sommeil de celui qui veille le jour à son prochain. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Ce qui vraiment nous fait du bien. Les bras d'une mère, du bout de la mer. Ce rayon qui nous arrive enfin. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien. Sans les intérêts à payer après, avoir partagé l'eau et le pain. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Ce qui vraiment nous fait du bien. D'un amour ancien, un air qui revient et chante avec nous dans le pétrin. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien. La main dans la main, par ce vieux chemin, nous irons à deux jusqu'à demain. Le meilleur des choses ne coûte rien. Nous irons à deux jusqu'à demain. Le meilleur des choses ne coûte rien. Et oui, distraction de ma part, en fait, c'est pas du tout les amours tranquilles qu'on a écouté, mais le meilleur des choses, le titre éponyme de la du disque de Guy Béard, l'ultime disque de Guy Béard en 2010. On écoutera les amours tranquilles une autre fois, dans quelques semaines. Alors maintenant, on va passer à Francis Lemarque dans les années 50, puisqu'on revient à un nouveau cycle. Francis Lemarque nous a quittés en 2002, il y a tout juste 15 ans, à l'âge respectable de 84 ans, lui aussi. C'est un des chanteurs qui ont le mieux chanté Paris. Il a beaucoup composé pour d'autres interprètes, comme Yves Montand, par exemple. Yves Montand qui a chanté d'abord ce célèbre « À Paris », dont Francis Lemarque a aussi enregistré une très jolie version, que je vous propose d'écouter sans plus tarder. Alors, Francis Lemarque, où est-il ? Ici. À Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient. Tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps,

pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat knows. La semaine dernière, vous aviez écouté It's 5 O'Clock d'Aphrodite Child. Aphrodite Child qui se séparait en 1971. Vangelis se consacrant désormais à la musique de film et Demis Roussos poursuivant la brillante carrière en solo que l'on sait. Demis a vendu plus de 60 millions de disques pendant toute sa carrière car il avait du succès dans toute l'Europe, surtout en Allemagne, où il était devenu une véritable star. En 71, il avait sorti un album atypique intitulé « On the Greek Side of My Mind », en français « Sur la rive grecque de mon cœur ». Il avait été écrit par les paroles anglaises de ses chansons avaient été écrites par un jeune parolier qui fera une belle carrière par la suite, puisqu'il s'agit de Boris Bergman. Dans ce joli album, le folklore gréco-byzantin et la pop musique se mélangent de façon très harmonieuse. Le méga tube We Shall Dance figure dans cet bel opus, mais aujourd'hui c'est Fire and Ice, une chanson moins connue, qui était à l'origine le titre initial de l'album, hein, que je vous propose d'écouter maintenant. Je vous laisse avec Demis Roussos pour 4 minutes 30. Oh, eye to eye, our bluebirds on a sky. So cold. Il y a 68 ans, en 2017, en 87, alors qu'il n'avait que 38 ans, donc, hein, il sort un très bel album intitulé « Ton absence », dont nous allons écouter un extrait tout à l'heure. Yves Duteil avait débuté dans la chanson en 72, mais c'est en 74 qu'il est remarqué pour la chanson « Virage » qui figure dans son premier 33 tours. Le deuxième album intitulé « J'attends », sorti en 76, pardon, est un échec, et il lui fera en effet attendre 1977 pour connaître le grand succès avec sa célèbre Tarentelle et aussi le Petit Pont de Bois dans le même album. Sa carrière est alors relancée et en 79 il sort J'ai la guitare qui me démange, une chanson qui fera le bonheur des imitateurs. Yves Duteil connaît l'apogée de son succès avec sa carrière avec La langue de chez nous en 85. Ensuite, les 6 albums qu'il sortira encore passent de plus en plus inaperçus. Hein. Aujourd'hui, c'est une chanson de son album de 87 qu'on va écouter. Elle a pour titre « Jusqu'où je t'aime ». Si jamais tu me demandes jusqu'où je t'aime, et si quand tu seras grande, on s'aimera quand même, s'il fallait que je te dise tout mon amour, même en ouvrant les bras, ça ne suffirait pas. Moi, mon amour pour toi, je crois bien qu'il va jusqu'au bout du monde et de la mer et du soleil et jusqu'au bout des étoiles. Au-delà du fond des galaxies, dans l'infini de l'univers sidéral, aussi loin que porte le regard de mon cœur, jusqu'au bout du ciel et jusqu'au fond du bonheur, je t'aime. Aussi loin. Moi voilà comment je t'aime et c'est pour toujours. Ça s'écrit dans mon cœur même jour après jour. Pour en prendre la mesure sans se tromper, il faudrait un cadran si beau, si gros, si grand, que rien qu'en le posant, il irait sûrement jusqu'au bout du monde et de la mer et du soleil et jusqu'au bout des étoiles. Au-delà du fond des galaxies, dans l'infini de l'univers sidéral, jusqu'à des frontières dont tu n'as jamais rêvé, au-delà des heures et jusqu'à l'éternité, je t'aime. Aussi loin. Jusqu'au bout du monde et de la mer et du soleil et jusqu'au bout des étoiles. Au-delà du fond des galaxies, dans l'infini de l'univers sidéral, jusqu'au cœur des glaces et jusqu'au fond du désert, jusqu'au bout du ciel et dans un autre univers, je t'aime aussi loin. Si jamais tu me demandes jusqu'où je t'aime aussi loin. Je t'aime aussi loin. Je t'aime aussi loin. Je t'aime aussi loin. Je t'aime aussi loin. Je t'aime aussi loin. France Gall, née Isabelle Gall, est la fille de Robert Gall, hein, le parolier de la célèbre Mama de Charles Aznavour. Elle a désormais 70 ans déjà. Après plusieurs tubes à partir de 63 et sa victoire à l'Eurovision en 65, sa popularité s'estompe peu à peu à la fin des 60s. Sa rencontre avec Michel Berger en 73 lui permettra de retrouver le succès pendant près de 20 ans. Hein. Elle épouse Michel Berger en 76 et leur collaboration artistique est à l'origine de très nombreux tubes, des tubes essentiellement interprétés par France Gall elle-même. Hein. En 94, 2 ans après la mort de Michel Berger, elle nous interprète en public une très jolie version de cette chanson de son défunt mari, intitulée « Quelques mots d'amour ». Eros Ramazzotti, c'est son véritable nom, hein, ça ne s'invente pas, il s'appelle Eros, c'est comme ça. Il est né à Rome il y a 54 ans de cela, il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs à succès de la variété italienne à l'échelle internationale dans les années 90. Il chante alors en duo avec de nombreuses vedettes comme Cher, Tina Turner, Joe Cocker, Laura Pausini et même Luciano Pavarotti. Son succès s'explique par sa voix unique et ses prestations scéniques très remarquées, ainsi que par ses mélodies soft rock très accrocheuses. Écoutez plus de cette chanson datant de 2003 pour vous en faire une petite idée. Elle a pour titre Un emozione per sempre, une émotion pour toujours. Je vous laisse pour 3030 en compagnie d'Eros Ramazzotti. Tes sensations dans une fuite où je sens, où je plonge pour te jouer. Ta musique. Ta génération. Ta génération. Gilles Gréco, qui a maintenant 90 ans et qui a désormais renoncé à se produire sur scène, avait enregistré en 2006, un très bel album intitulé, je n'ai pas sous les yeux, un album intitulé Le temps d'une chanson. Voilà, je ne l'avais pas noté, je l'ai regardé le disque du coup. Un album où elle reprenait 12 chansons qu'elle appréciait tout particulièrement. Parmi celles-ci, il y avait le célèbre Un jour tu verras, une chanson écrite et interprétée à l'origine par Mouloudji sur une musique de Georges Van Paris. Mais aujourd'hui, c'est la version 2006 de cette chanson, interprétée par Gréco, que nous allons écouter. On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de Barbarie. Cet air pour nous sera le plus beau, le plus joli. Toi, tu m'inviteras, ma taille tu prendras. Nous danserons tranquilles dans les rues de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des cieux, vers une nuit profonde. On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Claude Nougaro nous a quittés en 2004 à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Il était bien sûr né à Toulouse et était un grand amateur de jazz, de musique latine, brésilienne et aussi africaine. Nougaro joue beaucoup sur le rythme des mots, hein, dans ses chansons. Réécoutez plutôt le jazz et la java, hein, Une petite fille en pleurs, À bout de souffle, Armstrong, Danser sur moi ou encore Tu verras pour vous en persuader.

Réponds, réponds, Marie-Christine, ne me laisse pas seule. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule. Sting a aujourd'hui 56 ans. À ses débuts, il a fait une brève carrière d'enseignant en tant qu'instituteur. Mais c'est la musique et sa véritable passion, la véritable passion du jeune Gordon Sumner. Gordon Sumner, c'est son nom de naissance. Il devient très vite le bassiste et le chanteur d'un groupe qu'il fonde en 76, un groupe qui tiendra près de 10 ans, jusqu'en 85, et qui s'appelle bien sûr The Police. Sting poursuit ensuite une belle carrière en solo. Il s'engage dans de nombreuses causes, notamment une association pour la préservation de la forêt amazonienne avec le célèbre chef indien Raoni. Il s'inquiète aussi des tensions qui règnent entre les USA et l'URSS. Et en 1985, dans son premier album solo, il écrit une chanson qu'il intitule « Russians », en français « Les Russes ». Une chanson dans laquelle il dit que les Russes sont aussi des enfants qu'ils aiment tout autant que les Américains aiment les leurs. Je laisse pour 4 minutes avec Sting et c'est russe, c'est Russians. I say to you, I hope the Russian C'est donc avec Sting et Russians que se termine cette sixième émission de Patchwork de la saison 2017-2018. Je vous rappelle que c'était votre ami Michel qui vous tenait compagnie depuis maintenant 2h30, comme chaque mardi de 9h à 11h30 depuis la semaine, depuis six semaines déjà. J'espère que ma programmation vous a plu et que le concept de cette émission vous plaît bien lui aussi, avec ses séries de chansons provenant de toutes les décennies passées. Si c'est le cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, même heure, 9h, même station, 95 FM sur RQC. Et je vous souhaite une très belle semaine à venir, ainsi qu'une bonne journée. Ciao à tous et à toutes, et à mardi prochain, j'espère. Nous serons le 7 novembre déjà. Thank you.